On est poli sous potion, tu vas pas nous mettre la pression. Je sens mon cœur se fracturer, et c'est pas qu'une impression. Je m'oriente à la zizou et je mets des ballons dans la course. Tu crois vraiment que toi et moi on fait la course? C'est le regard, c'est mon médicament, tu sais même toi. Avec le temps, je me vois plus faire ma vie dans le même boîte. On a passé des bons moments, ça ils le savent même pas. On réussit, pour qu'on ait tout ce qu'ils aiment pas. Toujours à l'affût comme la bague, dans le check son patrouille comme la dep. Nous partout on s'adapte, mais crois pas que c'est tout qu'on accepte. Toujours à l'affût comme la bague, dans le check son patrouille comme la dep. Nous partout on s'adapte, mais crois pas que c'est tout qu'on accepte. Non, je suis pas inquiété, le frérot m'a dit cette année. On va se les faire que des quiches dans cellophane. On les a fait, j'attends ça depuis des années. Des années, j'ai zoné. Un peu du père, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait. Sans jamais me laisser faire, pendant que tes fleurs ont fané. On a remonté la pente, on a cassé la porte. On est venu choquer la France, et j'ai zoné. Un peu du père, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait. Sans jamais me laisser faire, pendant que tes fleurs ont fané. On a remonté la pente, on a cassé la porte. On est plus chaud que la France. J'en ai vu toutes les couleurs et j'ai commencé par la verte. Les potes y fument, donc je fais de la perte. Je me suis mis à la blanche, dans mon cerveau c'est tout noir. Ça fait du bif, la G-son c'est pour moi. Ça distribue des boîtes, ouais la rue c'est dangereux. Je sais que j'ai fait des fautes, mais j'essaye de vous rendre heureux. Pour la famille sans hésiter, je tire dans le tas. Depuis tout à l'heure je te parle, tu fais le mec qui m'entend pas. Choisis bien ton camp, tu sais les gens. Ils vont te monter, après ils vont te descendre. J'en veux toujours beaucoup, sauf que c'est plus comme avant. Sa vie c'est cool, mais y'a bien quelque chose qui m'attend. Non, je suis pas inquiété, le frérot m'a dit cette année. On va se les faire que des quiches dans cellophane. On les a fait, j'attends ça depuis des années. Des années, j'ai zoné. Un peu du père, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait. Sans jamais me laisser faire, pendant que tes fleurs ont fané. On a remonté la pente, on a cassé la porte. On est venu choquer la France, et j'ai zoné. Un peu du père, mais moi j'ai fait ce qu'il fallait. Sans jamais me laisser faire, pendant que tes fleurs ont fané. On a remonté la pente, on a cassé la porte.